Chapitre 6. Jean attendait impatiemment la réponse à sa lettre. Il n'était pas sans inquiétude sur ce qui allait advenir de la décision, prise brusquement, presque sans réflexion. Un soir qu'il étudiait l'anatomie, dans sa chambre, feuilletant les planches coloriées, il avait été pris d'une idée subite, une vraie révélation. Parbleu, ce qu'il serait, peintre, il comprenait merveilleusement la structure du corps humain. Ses cahiers de notes étaient chargés de reproductions anatomiques d'une correction absolue. Il avait là une carrière toute faite et pour laquelle il était certainement né. Tout jeune, il griffonnait sur les murs des bonshommes au charbon. En classe, il s'amusait à croquer les têtes des professeurs et des élèves. Il n'y avait pas songé plus tôt. Il devait être un grand homme, il le savait, mais ignorait dans quelle branche. Eh bien, il venait de le découvrir. Il serait un grand peintre. Peintre d'histoire, à la David. Les études complémentaires seraient courtes. Pas d'anatomie à apprendre. Il la connaissait déjà. Quant à sa littérature, elle lui serait précieuse. Ce qu'il allait rouler tous ces rapins qui font des œuvres sans idée et sans métier, ainsi appréciées d'après les comptes rendus des salons. Restait à savoir si le père Picot comprendrait la valeur de la découverte qu'il venait de faire. Peut-être la famille se regimberait-elle. Ça s'est vu souvent, mais il lutterait. Encore un point de ressemblance avec les grands hommes, dont la plupart ont eu les débuts difficiles et qui mangèrent de la vache enragée. Mais qu'importe, il était certain d'arriver. Et alors, comme la famille serait glorieuse. Le père Picot, forcé de convenir qu'il avait eu tort d'entraver la vocation de son fils, se mettrait à ses genoux. Ainsi allait son imagination, toujours un peu trop vive.